Justement, j'ai quelque chose à te dire. Cette voix suave qui m'a sortie de mon rêve, c'est celle de Madame Morin, la dame chez qui j'ai été placée en quittant l'orphelinat. Ce qu'elle avait à me dire n'était pas drôle. On raconte dans le pays que ma conduite est scandaleuse et elle a décidé de me renvoyer à l'orphelinat jusqu'à 21 ans. Antoine avait promis de m'emmener avec lui à Toulon, mais il est reparti sans moi. Ce n'est pas le genre de garçon à s'encombrer d'une femme. C'est son frère Michel, le timide Michel qui m'a demandé en mariage. Pour ne pas retourner à l'orphelinat, j'ai accepté. Et peu à peu, j'ai découvert en Michel une tendresse, une bonté qui m'ont touchée. Carradine pourtant ne m'oubliait pas. Il m'a surprise un jour au bar de l'escale où je passe des heures devant l'appareil à disque. Dis-moi quelque chose de gentil, chérie. Prends-moi dans tes bras, embrasse-moi et souris. Dis-moi que tu m'aimes. Pense-le quand tu le dis, car je veux que tes yeux me la prennent aussi. Ta joue sur ma joue, parle-moi tout bas. Ta main caressant mes cheveux, je sais bien qu'à ce jeu tu peux pas rendre mon cœur et ma vie me dis-moi quelque chose de gentil. Que le son de ta voix dans la nuit, dansons tous les deux, bercés par tes mots d'amour, lentement et encore et toujours, toujours. Tais-toi maintenant, ne dis rien, plus rien. Donne-moi ce bonheur infini. Silencieusement, nous ferons de cet instant béni bien mieux que quelque chose de gentil. Je ne veux pas de l'argent d'Éric. Je ne veux pas de ses promesses. Je veux rester à Saint-Tropez et tâcher de rendre Michel heureux. Ce n'est pas toujours facile. Quand j'ai appris qu'Antoine allait revenir à la maison, mon cœur s'est arrêté de battre. Le drame était inévitable. Nous avons lutté longtemps contre nous-mêmes, mais en vain. Michel a su la vérité et j'ai préféré quitter cette maison où j'avais espéré vivre heureuse. Je ne savais pas où aller. Whisky Club, l'orchestre noir répétait. À danser comme une folle. Je voulais tout oublier. Michel m'a retrouvé, échevelé, ivre de musique. Il m'a giflé jusqu'à ce que je revienne à moi. Il m'a dit qu'il me pardonnait. Antoine venait de repartir, pour toujours cette fois. Nous allions rentrer à la maison, Michel et moi. Essayez de tout recommencer. Essayez.